Ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie. Le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille à la mer, une oasis dans le désert. Une chanson. Eh oui, on est la fan de chansons françaises de tous les, et tous les autres. Bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Yves à la technique, assisté de Jason, et Daniel pour vous tenir compagnie pour cette émission La cerise sur le canto. Et ben c'est la 17e. Chanson d'hier, chanson d'avant-hier et tube de demain. C'est un véritable panorama dédié à la chanson française de tous les temps. Alors, la chanson française serait-elle réduite à une question de génération ? Bah, c'est ce que l'on entend quelquefois. Allez, chiche ! Eh bien, nous prenons le pari de vous démontrer le contraire. Enfin, un jury neutre qui classe les titres programmés et qui élit les trois gagnants de l'émission. Alors, les résultats de la cerise sur le canto numéro 16, c'était il y a 15 jours, reçoit la médaille de bronze. Ah ben oui, les frangines, mon bagage. Sur la deuxième marche du podium pour recevoir la médaille d'argent, une toute nouvelle. Elle n'a fait qu'un seul disque jusqu'à présent. Il s'agit de Valérie Lambert, Serena d'Argentine avec une très très très jolie voix. Un cœur

l'océan au fond des yeux. Elle dansait pour nous garder plus amoureux. Elle disait que l'amour c'est toute une vie à deux. Elle savait dans un sourire moqueur quelque chose de secret. Elle gravait nos deux cœurs sur les arbres des forêts. Elle pleurait comme on pleure quand on a trop aimé. Alibert fut un chanteur, acteur et librettiste français né en 1889 à Carpentras. C'était le gendre de Vincent Scotto et il devint le chanteur baptisé le méridional des méridionaux dans ma péniche, Alibert. Il y a des jaunes coiffés, des vernis, des vénards, on est pour plein d'égards. Moi je ne suis pas jaloux, heureux de mon destin, je suis mon petit bonhomme de chemin. Les gens chics sont flemmards et dès qu'ils se déplacent, vernis sous canne, c'est en pullman, ils s'en vont promener leur spleen dans les palaces où il y a des jazz et des ziganes. Dans ma péniche, au fond Saint-Cloud, on n'est pas riche, mais on tout comme aux régates de Monte Carlo, je fais du yatin, j'en regarde dans tous les lots. Le soir on guinche quand on monte sur le pont, y a des aminges qui jouent de l'accordéon. Moi j'ouvre le bal en laissant ma loulou dans ma péniche au pont Saint-Cloud. À l'heure de l'apéro, c'est au prix du dollar que l'on vous sert dans les bars. Des boissons compliquées qui font faire la grimace, ça ne vaut pas notre mélécasse. Il paraît que c'est la mode et que ça fait très bien boire des brandies et des whisky. Et pourvu que ça porte un nom américain, c'est le dernier chic, le cri de Paris. Dans ma péniche, au pont Saint-Cloud, on est pas chiche pour boire le coup. Pas besoin de barman ni d'état de mixture, on vide son verre sous l'œil de la nature. Tous les copains y viennent en chandail prendre un coup de blanc et non pas des cocktails. Pour la belote on s'y donne rendez-vous dans ma péniche au pont Saint-Cloud. C'est comme pour ce qui est de la chose qu'on appelle l'amour, ils ne font pas ça sans discours. Il leur faut des draps de soie, des parfums, des chichis, ce ne sont pas des affranchis. Dès qu'ils ont le béguin pour une jolie petite femme, d'un air craintif, pas persuasif, ils poussent des soupirs avant de dépeindre leur flamme. Moi je n'ai pas besoin de préparatifs. Dans ma péniche au pont Saint-Cloud, quand on s'aguiche, moi ma loulou, c'est dans le parfum des roses, des lilas, que l'on se prend sans chic et sans flafla. Et les étoiles juste au bon moment mettent un voile pour pas gêner le mouvement. On n'a pas besoin de tirer les verrous dans ma péniche au pont Saint-Cloud. « Philippe Élise est une chanteuse française candidate aux sélections du concours Eurovision 2019. Bon, elle ne sera éliminée qu'en demi-finale. Dommage, c'est dommage qu'elle n'aille pas plus loin. Il y a du rythme dans sa chanson « Madame la paix, Philippe Élise ». Pourquoi tu m'as quitté, toi qui pouvais me consoler? Allez reviens, je t'ai peut-être mal dragué. Tu es si belle, je ne sais plus comment on fait. Tu fais des tiennes, tu me regardes de loin, toujours incertaine. Allez reviens. Eh, madame la paix s'en est allée. Eh, madame la paix s'en est allée. S'en est allé. Même comme ça, je suis célibataire, tu vois. Même si tu m'as largué, je mets ma fierté de côté. Laisse-moi te parler, laisse-moi te regarder. Ne pars pas comme ça, sans m'expliquer. Eh, madame la paix s'en est allée. Eh, madame la paix s'en est allée. S'en est allé. Regarder le monde avec toi, juste une fois. Regarder le monde avec toi. Eh, madame la paix s'en est allée. Eh, madame la paix s'en est allée. Née en 1949, dans une famille de médecins, Nicolas Perrac effectue lui aussi des études de médecine. 6 années, mais 6 années qui ne le passionnent guère, sa tête est ailleurs. 2 feuilles sur son pupitre, une pour noter ses cours et l'autre pour griffonner des chansons. Et c'est à la fac de médecine, pendant un cours, qu'il écrit la chanson « Et mon père ». En 1975, il signe un contrat avec Pathé Marconi et sort en 1976 son 2e 45 tours. La même année, il fait une tournée de 200 dates à travers toute la France en compagnie de Serge Lama, qui deviendra son grand copain, et mon père, Nicolas Perrac. Quand vous dansiez en ce temps-là, pas besoin de pédales wawa, c'était pas la bossa nova, mais ça remuait bien déjà. Les caves étaient profondes et la ronde

et les azous. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de car qui m'a dit, mon chat, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis azou, je suis azou. Et les azous dans mon quartier. Moi, je le suis déjà à moitié. Un de ces jours, ça vous prendra. Alors, ceci était devant payer sa dette. Devant la guillotine, Jajan, il dit, je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis azou, je suis azou. Avec une mondaine de la place Pigalle. Mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles. Il est azou, il est azou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre azou on s'y retrouvera. Car c'est fou ce qu'on rigolera. Sous les douches, on chantera comme ça. Passons maintenant au groupe Sanguin. C'est un groupe Sanguin, un groupe lorrain qui a été créé en 1964. Et ses compositions sont originales et souvent inspirées de thèmes traditionnels et interprétées avec un mélange d'instruments anciens et modernes. La chanson proposée est celle d'un 45 tours de 1983, disque épuisé et particulièrement recherché. Ah ! 36 années après, que sont devenus tous les personnages mis à l'honneur dans la chanson ? Le maire de l'époque, Gabriel Neige, Jaco André, le père Lepet, Jean-Marie Vanneau, Pierre Barbier, Hélène Aubry, Patrice Villemain, Les Mathieu, Pierre Adam, Mougenot, Billon, Boulanger. Ah ben, si vous avez des informations sur ce que sont devenus ces héros de Fontenoy-la-Joûte, merci de nous le faire savoir sur notre page Facebook. Ben, ça serait vraiment sympa. La valse de Fontenoy-la-Joûte par le groupe Sanguin. Ami, si un jour votre route passe par Fontenoy-la-Joûte, prenez le temps, vous arrêtez, vous ne pourrez pas le regretter. On vous fera faire le tour des pioles pour trouver de l'agneau, car l'alambic chez eux n'est pas planqué, on sait vous le trouver. Car l'alambic chez eux n'est pas planqué, on sait vous le trouver. Commencez par la rue Saint-Pierre, tout en haut chez Monsieur le maire. Les petites bouteilles au gabic sauront vous mettre en appétit. On vous fera faire le tour des pioles. C'est vous le trouver, car la langue chez eux n'est pas planquée, on sait vous le trouver. Plus bas chez le Jaco André, pour boire il vous suffit d'entrer. Au 19 chez le père Lefette, le bar est toujours à la fête. On vous fera faire le tour des pioles. C'est vous le trouver, car la langue chez eux n'est pas planquée, on sait vous le trouver. En face chez Jean-Marie Vanneau, même les poissons connaissent pas l'eau, tandis que chez le Pierre Barbier, on ne finit pas d'arroser. On vous fera faire le tour des pioles. On sait vous le trouver, car l'alambic chez eux n'est pas planqué, on sait vous le trouver. Chez Aubry, ce n'est pas la peine de concourir. sourire avec l'Hélène, car elle vit dans un tour de main, deux fois plus de verre que les Villemains. On vous fera faire le tour des pioles. À force de boire chez les Mathieu, ils sont presque toujours au pieu, tandis que chez le Pierre Adam, c'est tout le contraire du Ramadan. On vous fera faire le tour des pioles pour trouver de la gnôle, car la langue chez eux n'est pas planquée. On sait vous le trouver, car la langue chez eux n'est pas planquée. On sait vous le trouver. Partout on se paie du bon temps, chez Mougenot, la caille, bon temps, boucher, Guillaume, au boulanger, et tous ceux qu'on a pu citer. On vous fera faire le tour des violes pour trouver de la gnôle. À fond, moi, la lambic n'est pas planqué, on sait vous le trouver, car à fond, moi, c'est sûr, on connaît l'hospitalité. Un mélodie, du rythme, allez leur dire. Cette chanson de Sylvain Aregue s'est qualifiée pour la finale des sélections pour représenter la France lors du concours Eurovision 2019. En fait, au départ, c'est une chanson qui aurait dû s'appeler Le Petit Nicolas. Seulement voilà, les ayants droit de Sampé et de Goscinny n'ont pas souhaité que ce titre soit gardé, puisqu'il est le titre de leur bouquin, bien sûr. Donc il a changé le nom de sa chanson. Sa chanson, c'est Aller leur dire. Et Sylvain ne gagnera pas la finale. Dommage, mais vraiment dommage pour ce chanteur originaire de la Creuse. Il ne gagnera pas. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Allez leur dire, Sylvain Aregue. Chanson numéro 2. Allez leur dire, Sylvain Aregue. Allez leur dire, allez leur dire, allez leur dire, allez leur dire. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le mood. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On n'a rien à perdre, on est jeunes et fous. Le monde me tend les bras, un point c'est tout. Un point c'est tout, un point c'est tout. Ça fait longtemps que j'aimerais partir de ce petit village qui m'a vu grandir. Je connais la route, les chemins, le moindre recoin. Y'a plus rien qui me retient, à part mon pote Lucien. On se connaît depuis l'époque, depuis le bac à sable, la mort venait, les billes cachées dans le cartable. Dans la cour d'école, on les a rendues folles. Je compte même plus le temps passé en heure de colle. Bien sûr que j'ai fait pleurer ma mère, mon père, ma tante et ma grand-mère. Je suis comme je suis, un petit schnappant qui aime bien avoir la tête en l'air. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, non, je suis pas dans le goût. Moi je veux juste partir, aller voir ailleurs. Du pays, sortir de ce trou. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le goût. Moi je veux partir, aller voir ailleurs. Je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On n'a rien à perdre, on est jeunes et fous. Le monde nous tend les bras, un point c'est tout. Un point c'est tout, un point c'est tout. On a fait un groupe depuis 2-3 semaines. Avec les copains on aimerait faire quelques scènes, mais bon pour l'instant y'a rien. On s'entraîne dans le garage, les voisins pour des fous nous prennent. Tu veux connaître notre style, un mélange de pop, reggae, variété, avec une touche d'hip-hop. Hiver comme été, on n'est qu'une bande de potes. Et crois-moi c'est sûr qu'on va marquer l'époque. Comprends que je ne peux pas rester planté là pour pousser, qu'il faut savoir se planter. Pour l'instant je te l'accorde, je n'ai qu'un plan A. Mais qui sait demain, j'aurai peut-être un plan B. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, non, je suis pas dans le coup. Moi je veux juste partir, aller voir ailleurs. Je veux voir du pays, sortir de ce trou. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le goût. Moi je veux partir, aller voir ailleurs. Je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On n'a rien à perdre, on est jeunes et fous. Le monde nous tend les bras, un point c'est tout. dire. Allez leur dire. Allez leur dire. Tout le monde. Allez leur dire. Allez leur dire. On n'a rien à perdre. On est jeunes et fous. Le monde nous tend les bras. Un point, c'est tout. Avec moi. Allez leur dire que là, je m'en fous. Je suis pas d'humeur. Je suis pas dans le coup. Moi, je veux partir, aller voir ailleurs. Je veux voir du pays, sortir de ce coup. Je veux juste faire les 400 coups. Allez, viens avec moi, on tente debout. On n'a rien à perdre. On est jeunes et fous. Le monde nous tend les bras. Un point, c'est tout. Lynn et Willy, un duo de variété des années 60 et 70. En 1968, il représente Monaco au concours Eurovision de la chanson et se classe 7e. La France est alors 11e avec la chanson La Source d'Isabelle Aubray. Lynn et Willy a chacun sa chanson. Sa chanson, nous on veut chanter l'amour. Tous les refrains qui sont notre histoire de tous les jours. Que ça pleure ou que ça rie, importe peu. Ce qui compte à mon avis, c'est d'être deux. Deux dans une chanson, de qui joue avec l'amour, où l'un part sans raison et l'autre attend le retour. À chacun sa chanson, nous on veut chanter l'amour. Les refrains sont façon, pleins de sentiments autour. Je suis comme les amoureux de mes refrains. Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire qui me dirait froidement tout ce que j'ai, c'est à toi. Je cherche un millionnaire pour avoir des trucs comme les stars, pour manger des homards. Je cherche un millionnaire, c'est pour ça que je fais le boulevard. Demi-mondaine ou mondaine tout simplement, cherchez donc la morale. Je cherche un millionnaire mistinguette. Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire qui me dirait froidement, tout ce que j'ai c'est à toi. Je cherche un millionnaire pour avoir des trucs comme les stars, pour manger des homards. Je cherche un millionnaire, c'est pour ça que je fais le boulevard. C'est facile d'être chic quand on a beaucoup de fric. C'est commode d'épater quand quand on est argenté et qu'on n'a plus rien à compter, je cherche un millionnaire. Car je sais que ces oiseaux rares veulent placer leurs dollars, je cherche un millionnaire. C'est pour ça que je fais le boulevard. Écoutez-moi bien, moi je n'y vais pas par quatre chemins. Je cherche un millionnaire. Un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je suis ce millionnaire qui vous dit froidement tout ce que j'ai à toi. Je suis ce millionnaire. Vous avez tout du gigolo, mais j'ai gagné le gros lot. Alors cher millionnaire, je veux bien m'occuper de vos pélos. Joli garçon, vous me plaisez beaucoup. Asseyez-vous, plus près, encore plus près, là. Regardez-moi bien dans les yeux. Maintenant embrassez-moi, plus fort, encore plus fort. Là, un baiser à la cannibale. Oh, c'est ça, ce gentil millionnaire a vraiment toutes les qualités qui peuvent me contenter avec ce millionnaire. Je suis sûr qu'on ne doit pas s'embêter. Oshi. Oshi mérite à coup sûr que l'on parle de sa musique. En interview, Oshi déclare à propos de son duo avec Gaëtan Roussel: oh, il m'a contacté pour aller dans son émission sur RTL2. J'y suis allé avec plaisir et le feeling est très bien passé. On a repris ensemble ma chanson, Comment je vais faire, puis on s'est revus pour collaborer et c'est lui qui est venu vers moi. Et c'était un peu impressionnant au début, mais je suis super contente, c'est fou, c'est un petit rêve. Ce duo avec Gaëtan Roussel donne le frisson. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou. Je vous trouve un charme fou, Oshi Gaëtan Roussel. Je regarde en arrière, je vous vois, les yeux vers la terre. Je vous vois, même le nez en l'air, je vous vois. Je regarde la mer, je vous vois. Sur la route côtière, tout en bas, au bord de la rivière, je vous vois. Même quand tout est noir, je vous vois. Et dans la lumière, je vous vois. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou. Je regarde devant, je vous vois. Là sur le divan, je vous vois. Même en noir et blanc, je vous vois. Quand arrive le soir, je vous vois. Je regarde en arrière, je vous vois. Je sors boire un verre, je vous vois. Même en noir et blanc, je vous vois. Je regarde devant, je vous vois. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou. Pa-la-la-la-la, pa-la-la, pa-la-la-la-la, pa-la-la-la, pa-la-la-la-la. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi moi qui va me rendre flou. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi moi qui va me rendre flou. Pa la la la la, pa la la, pa la la la la, pa la la, pa la la la la, pa la la. Un look androgyne qui ne passe pas inaperçu et qui nous fait repenser à Conchita Wurst, le gagnant du concours Eurovision 2014 au look de drag queen. Lors des phases de sélection, pour élire la chanson amenée à représenter la France, Bilal Hassani était classé 5e sur 8 par le jury international. 5e sur 8, c'était pas mal, mais c'était quand même pas dans les tout premiers. Et c'est le vote des téléspectateurs qui l'a propulsé à la première place. Des vives polémiques se sont aussitôt engagées sur les réseaux sociaux et dès l'élection de Bilal Hassani. Et nous aurons le bon goût de nous tenir à l'écart de ces polémiques. Les questions qui conviennent de se poser quand on évalue les qualités d'une chanson lors de sa première écoute sont, en premier lieu, la mélodie. Elle doit entrer dans la tête immédiatement. Ensuite, le rythme. On doit pouvoir le suivre. On doit pouvoir battre la mesure avec le pied. Puis la voix du chanteur. Elle doit être agréable. Et un timbre de voix original ne gâche rien. Enfin, dernier critère. L'accompagnement musical tient une place de plus en plus grande. Le jury des téléspectateurs, en élisant Roi, la chanson représentant la France, ont dû répondre oui à toutes ces questions. Bizarre, bizarre. Roi Bilal Hassani. J'ai besoin d'amour, des bisous et des câlins, je veux tous les jours, je suis comme ça. I am me, and I know I will always be. Je suis free, oui j'invente ma vie. Ne me demandez pas qui je suis. Et malgré les regards, les avis, je pleure, je sors et je ris. You put me in a box, want me to be like you. J'suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup. At the end of the day, you cannot change me, boo. Alors, laisse-moi m'envoler. I'm not a rich, but I'm shining bright. La différence fait qu'il y a beaucoup de gens qui me critiquent, il y a beaucoup de gens qui essaient de me rabaisser, qui me disent des choses assez abominables, mais je garde la tête haute et je passe outre parce que je préfère rester dans le positif. Il s'assume, tu vois, il porte des perruques, il se maquille. Je pense qu'il faut des gens comme ça. On choisit son travail, sa coiffure, ses amis, sa routine, parfois l'amour aussi. Ça passe ou ça casse, mais ça. Regarde qui créée par Louise Tucker en 1982, cette chanson a été reprise en français sur des paroles de Pierre Delanoë en 1983, Midnight Blue en Irlande, Michel Thor. Et c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canton numéro 17. Merci à Yves pour la réalisation technique et merci à vous de nous avoir écoutés. La prochaine cerise sur le canton, eh bien c'est dans 15 jours. Mais nous serons quand même avec vous dimanche prochain pour vous présenter Patchwork, l'écoute des musiques du monde. Rendez-vous également sur notre page Facebook. Vous pourrez y jouer au tiercé et rendez-vous sur le site de la radio, Radio Fagette. Vous y retrouverez le podcast de l'émission. En tout cas, soyez heureux en écoutant Radio Fagette Nancy 94.2 ou sur le net fagette.net en ligne. Au revoir.